ça sert à rien de faire le mec plein et alors je suis fauché. Je rappe toujours par conviction, j'ai rien empoché. Mon frère sois franc avec moi, t'as pas un rond en poche. Le RMI poursuit ségrégation à l'empoche. On a tiré non pas le perdu en espérant qu'elle ricoche. On touche du bois comme le venin, bonhomme, nos rimes se logent. Comme une flèche dans le foie, si ce n'est les deux à la fois. Souviens-toi comme une balle côté gauche. Je m'occupe des MC suceuses qui foutent le rap à la débauche. J'ai des coupes à la scie sauteuse, je fais du travail de pro comme Bosch. Atteint du syndrome de la mythomanie comme Bush. Imagine Taïwan pour la productivité. Imagine quartier nord de Marseille pour la qualité. Dans les entrailles du studio Soli Music, comme des chinois on s'arrête plus non-stop au fabrique. Discré, S-Grim à quand la radio. De l'or sous la mer, de beaux mètres vous tournez du AOD. J'oubliais que dans ce biz y'a Tarpin de Tarlous. Au genre de sang qu'on écoute jamais en prison la route est longue. Comme Longora était l'attente. Chez nous, sous les musiques, il faut que ça paye le long terme. À terme, ça pète en qualité pour des fêtes. De tous que du sang, les premiers seront les survivants. Artisanal, record, beaucoup suivent. L'arrêt le gore, déterminé et conscient, la crème des experts. Pas prête de sentir le gazon. Une génération fière qui veut faire bondir son blason. Zam, Zaza, faites-moi kiffer l'équipe. Pour le reste, faites-moi une liste, pareil que j'ai fin de sang. Comme Escrim, Staff Killer, comme fin de sang. Comme un sauce malfaiteur, toujours une histoire de dard. La poudre à canon, Fratos, le cos, le son pour les gamos. Quartier Nord, le son vient d'en bas. Ne cherche pas, c'est le son du clic clic bas. Discret la poudre à canon, Fratos, le cos, le son pour les gamos. Quartier Nord, le son vient d'en bas. Ne cherche pas, c'est le son du clic clic bas. Je travaille toujours sur la rime, je veux mon pacha soit un crime, un flow de Brooklyn. Je fais pas un sang pour les croupis. Alerte les putes, j'ai leur bien, le son de la rue, on le détient. J'carbure comme une F1, j'bousille. Moi je fracture ceux qui m'interdisent. Je fasse mon travail sur le terrain. Quoi qu'on dise l'artisanal, on te pètera les reins. Moi je gratte la feuille fort. Mon rap faut qu'il perfore. Quelque chose qui chante, qui te changera de tous ces flots de porc. Moi j'abuse comme Hitler face à sa douce France. Je garde aucune pitié et ils en payeront le prix fort. T'as ma propre parole et celle de mon régiment. Ça produit, ça fournit comme ceux d'un bâtiment. H24 ça gratte à l'usine comme des chiens de la casse. On cherche pas le succès en faisant les poufias. Trop connaissances, on prie des connaisseurs assez tard. Ok, on sort tous des quartiers populaires. Du ghetto, tout devient vite spectaculaire. On changera pas nos gènes capillaires, ni la croyance portée jusque sur nos annulaires. On sort de la terre d'Afrique, d'une terre de fric qu'on a rendu hermétique. Nos pères portaient des briques et poussaient des peines. Nous on préfère finir à la guerre qu'aux peines. Tu les vois, ils savent plus faire de la thune. Ils veulent tous jouer au foot ou faire de l'autotune. Petite sœur, arrête, le plomb reste brune. C'est pas avec tes talents que tu toucheras la lune. On arrive comme des vrais, hey. Jamais comme des faux, oh. L'appel à la paix, hey. En tenue commando, oh. Ils parlent trop, mais t'inquiète, on les laisse. On rentre avec une épée d'Amoclès. J'inscris la poudre à canon. Fratos, le cos, le son pour les gamos. Quartier Nord, le son vient d'en bas. Ne cherche pas, c'est le son du clic clic. La poudre à canon, Fratos, le cos, le son pour les gamos. Quartier Nord, le son vient d'en bas.